Alors, est-ce que c'est possible de présenter donc, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles ? Moi, en tant que juriste au CIDFF de Nancy, donc, c'est vrai qu'on est une association qui a surtout l'avantage d'être présente sur tout le territoire, on va dire, de Meurthe-et-Moselle, mais notamment dans les quartiers Vandeuve, Champlebeuf, à Nancy. Et ça permet en fait aux personnes de se déplacer, on va dire, assez simplement, sans avoir à prendre rendez-vous chez un avocat, au tribunal ou ce genre de choses. Donc ça permet de se déplacer un peu comme à la maison, en quelque sorte, et sans pression, notamment des fois parce qu'il y a des sujets réellement très, très compliqués qui peuvent être évoqués, que ce soit quand il y a des violences conjugales, des violences sexuelles qui sont évoquées, dénoncées, ou quand il y a une situation familiale qui va être un peu complexe, et donc les personnes sont souvent sous pression, en stress par rapport à ça. Donc le fait de venir chez nous, en tout cas, on essaie d'aborder les questions, on va dire, de plus simple possible, d'apporter une information claire, directement personnalisée à la situation, et surtout d'essayer d'apporter une écoute aussi, parce que pour beaucoup c'est une première démarche, donc forcément, même si on n'est que juriste, on a forcément un temps d'écoute à accorder, on va dire une discussion, un échange, et un peu finalement de psychologie, j'ai presque envie de dire, pour pouvoir essayer d'apporter des réponses aux questions qui peuvent être posées, évoquées, pour après présenter, on va dire, des solutions strictement juridiques, mais qui viennent éclairer un petit peu la situation, parce que des fois, pour beaucoup, elles ont l'impression finalement d'être sans solution. Donc ça permet réellement d'avoir une information confidentielle et personnalisée. Et après, éventuellement, il peut y avoir un accompagnement qui se met en place quand les personnes ont besoin réellement d'être accompagnées dans les démarches, d'être conseillées de façon plus durable ou plus spécifique. Et du coup, on va les accompagner sans pouvoir nécessairement, on va dire, faire les démarches pour elles, parce que c'est pas le but. Le but est aussi de les rendre autonomes par rapport à tout ça, de pouvoir leur donner la capacité de faire elles-mêmes les démarches et de retrouver, on va dire, une autonomie dans tout ça. Donc je dis elles-mêmes parce que majoritairement notre public est féminin. On reçoit également aussi du public masculin sur des questions de droit de la famille ou autres, mais c'est vrai que majoritairement notre public est féminin. Et vous avez beaucoup de femmes qui viennent et qui vous disent que ça fait quelque temps qu'elles se, voilà, par exemple, qu'elles se font battre ou des choses comme ça et... Très honnêtement, sur mon travail juridique, 65-70% des personnes que je reçois, c'est des violences conjugales. Donc violences conjugales avec un couple existant ou un couple finalement qui est fini. Parce que malheureusement, la particularité des violences conjugales, c'est s'il y a de la violence physique, la violence psychologique, morale, verbale, peut perdurer après la séparation, notamment quand il y a des enfants qui sont présents et qu'il y a une organisation de la vie de famille à mettre en place derrière. Donc c'est vrai que c'est la grosse part de notre travail, mais c'est surtout que finalement elles arrivent pour beaucoup en se disant je sais pas quels sont mes droits, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal, et de replacer, on va dire, le cadre de la loi, de leur rappeler réellement ce qu'elles sont en train de vivre, de leur expliquer très clairement, de leur apporter des solutions, on va dire, ou des réponses qui permettent de relier un peu les choses entre elles. Ça permet réellement de recadrer les choses pour elles et puis d'ouvrir, on va dire, un petit peu les yeux en se disant « Ah ok, là je comprends mieux ce que je suis en train de vivre, et oui, effectivement, c'est pas normal, et oui, j'ai la possibilité de faire quelque chose. » Mais c'est vrai que des fois, des personnes viennent nous voir finalement pour des questions totalement, totalement autres, ou simplement pour régler un droit de garde ou de pension alimentaire. Et finalement, on découvre que derrière, il y a toute une violence psychologique qui se met en place, une emprise qui est toujours présente, qui fait que finalement, la mère de famille n'arrive plus à s'en sortir. Et même s'il n'y a plus de vie commune, c'est comme si qu'elle était toujours là, la vie commune, et a toujours, en fait, une absence d'autonomie totale. Et justement, vous en parliez tout à l'heure pendant votre intervention, avec toutes ces affaires qui éclatent, l'affaire Weinstein, l'affaire MeToo, tout ça. Est-ce que la parole des femmes se libère ? Est-ce que vous voyez plus de femmes qui osent venir vous voir ? Oui, honnêtement, oui, notamment surtout pour tout ce qui a concerné le harcèlement sexuel au travail. Franchement, ça a eu un effet boule de neige assez incroyable. Mais alors, il y a eu une sorte de libération de la parole, ça c'est sûr, des, on va dire, prises de conscience sur certaines situations, des volontés, on va dire, de se sortir de là et de se dire « Ok, finalement, je suis capable de dénoncer et de mettre des choses en place ». Mais le vrai problème, finalement, par rapport avec ces affaires, c'est qu'il y a un battage médiatique énorme et souvent, malheureusement, des intervenants sur des plateaux télé ou autres qui vont avoir un discours ou des présentations qui sont totalement erronées des situations situation. Où on va avoir malheureusement aussi des élus publics qui ne sont pas forcément, on va dire, au fait de la réalité, des règles judiciaires ou ce genre de choses, et qui vont avoir un discours qui va être un peu en décalage, ou qui vont faire tout simplement des annonces, on va dire, politiques pour pouvoir répondre à un fait ou engager des lois, des réformes. Sauf que la réalité, c'est que pour beaucoup, le temps passe beaucoup, et en fait, c'est que quand on est victime dans ce genre de situation, c'est qu'on n'a pas toujours le réflexe de dénoncer tout de suite. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dénonciation qui est faite, une libération de la parole qui est faite, tant mieux, mais il y a une attente aussi, parce que finalement, elles entendent dire que oui, cette personne doit être condamnée, oui, c'est grave, donc du coup, il faut déposer plainte. Sauf qu'elles viennent nous voir, et puis elles découvrent, apprennent que finalement, la dénonciation est impossible, parce qu'il va y avoir une prescription qui est là, donc elles ne peuvent pas déposer plainte. En quoi vous pensez que c'est important que, de venir là et d'expliquer aux jeunes enfin, vous attendez qu'il y ait un effet derrière, ou même s'ils sont assez jeunes, ou c'est plutôt de la prévention? C'est vrai qu'il y a vraiment une volonté de sensibilisation par rapport à ça, parce que comme je le disais, le fait de toutes ces affaires, des fois, on a un peu l'impression... Enfin, il y en a qui nous disent, oui, mais parce que c'est un sujet dans le temps, ou bah voilà, c'est juste parce qu'il va y avoir le 8 mars, ou ce genre de choses. Donc on a un peu l'impression que c'est juste pour ces tendances, donc on en parle. Sauf que la réalité, c'est comme je le disais, il y a un quotidien qui est là, qui est présent. Il y a des restrictions dans les libertés qui sont présentes aussi, mais surtout une banalisation de tout ça. Et moi, j'étais extrêmement choquée, en fait, des fois, des réactions qu'il pouvait y avoir, en disant, oui, mais ça, c'est pas grave... Oh oui, mais là, c'est exagéré. Oui, mais on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Et même des fois, des personnalités qui viennent dire ça publiquement. Et je trouve ça absolument incroyable, la forme de banalisation qu'il peut avoir face à ces comportements. Et les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont exposés, les premiers exposés à ça, les premiers exposés à ce genre de comportement. Et notamment dans les établissements scolaires aussi, où c'est quand même extrêmement répandu, où finalement, il y a des insultes sexistes qui sont extrêmement diffusées et qui se font extrêmement facilement. Je disais qu'il y avait des chiffres qui étaient sortis, notamment sur le harcèlement de rue et les violences sexistes, que l'insulte salope est une des premières utilisées par les jeunes filles elles-mêmes, pour s'insulter en fait entre elles. Donc en fait, il y a une banalisation sur la chose, alors qu'il y a que des conséquences derrière, et que aussi, c'est, ça s'ancre dans une dimension totalement autre par rapport à ça, beaucoup plus profonde, à savoir un sexisme ambiant, une société qui est majoritairement sexiste. Et tout ça s'inscrit là-dedans. Et finalement, c'est que je pense qu'il est important pour les jeunes de prendre conscience de ça, que c'est pas seulement un sujet à la mode, mais que c'est quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus profond, principe d'égalité et tout ça, et que vu que c'est pour aujourd'hui une journée de préparation à la citoyenneté, c'est que être citoyen, c'est effectivement disposer de droits et devoirs, mais ces droits et devoirs, finalement, on ne les a pas d'un claquement de doigts. On n'en entend tellement pas parler parce que ce n'est pas quelque chose qui intéresse, mais finalement, les droits et devoirs qu'on a en tant que citoyen, c'est parce qu'on est dans une société démocratique. Et cette société démocratique s'est construite grâce au principe d'égalité. Et ce principe d'égalité, il permet qu'il y ait une égalité entre femmes et hommes. Ce n'est pas juste quelque chose qui arrive d'un claquement de doigts. Et en sensibilisant au plus tôt les jeunes, ça permet de se saisir de la question. Surtout que je trouve que les jeunes générations, aujourd'hui, par rapport à ce que moi j'ai pu connaître, il y a une vraie curiosité sur tous les sujets, via les réseaux sociaux, ce genre de choses, mais surtout des avis, une vraie curiosité. Et si jamais on les laisse l'occasion de se saisir de ce genre de questions, je pense qu'il peut y avoir des vrais changements, mais surtout des idées qui peuvent être proposées. Donc moi, j'adore ce genre d'intervention. On est souvent présent aussi dans les établissements scolaires. On fait de la formation, de la sensibilisation auprès des étudiants dans diverses écoles. Et ça permet réellement aussi d'aller au plus proche de... essayer d'apporter une autre vision par rapport à des sujets et puis finalement de rapprocher un petit peu par rapport au cadre de la loi, en quelque sorte, que ce n'est pas juste quelque chose qu'on balance comme ça, mais qu'il y a des conséquences, il y a une réflexion sur tout ça. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important et on est toujours content de pouvoir participer. Après, d'attendre à ce qu'il y ait quelque chose derrière, peut-être oui, peut-être non. Moi, je dis toujours, à partir du moment où il peut y avoir une réflexion ou des petites discussions en allant boire le café ou fumer la cigarette, tant mieux, parce que ça permet justement, par ces débats, par ces discussions, de faire justement grossir le sujet, de faire qu'ils se saisissent de cette question. Oui, et puis des fois, ils arrivent avec un avis déjà un peu préconçu, et le fait de remettre ça en question, même si c'est que pour quelques minutes, quelques heures, c'est toujours, exactement, toujours bien. Mmh. Et aussi, vous pensez quoi de l'évolution égalité homme-femme depuis les dernières années, si ça a beaucoup évolué, si ça stagne, si c'est... Honnêtement, c'est pendant, on va dire, allez, sortie des années 2010, donc début des années 2010, il y a eu une vraie évolution qui s'est inscrite. avec surtout, on va dire, on s'est saisi de sujets dont on ne parlait pas avant. Avant, on parlait, on va dire, on a eu l'opinion publique qui a été choquée à plusieurs reprises, notamment sur des questions de violence conjugale, avec des grosses affaires médiatiques qui ont explosé. C'était 2003 avec le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. On a entendu parler soudainement des violences conjugales de façon très très médiatique. Après, on a eu malheureusement l'affaire Alexandre Allange à la sortie des années 2010, années 2011. Puis après, on a eu l'affaire Jacqueline Sauvage. Mais on parlait uniquement finalement de tout ce qui était privé. Et on ne se rendait pas forcément compte que ces violences, même si elles ne sont pas forcément physiques, mais qui peuvent être morales, psychologiques ou le harcèlement, peut s'inscrire aussi dans l'espace public. Et comme je le dis, finalement, on a eu cette domination de la pensée masculine. La société est pensée de par les hommes. La majorité des élus publics ont souvent, pendant longtemps, été des hommes. L'Assemblée, le Parlement sont constitués majoritairement d'hommes. Les femmes commencent à grignoter petit à petit, mais ça prend du temps. Donc finalement, c'est dans l'espace public, dans la rue, dans les transports en commun, c'est des questions qui sont apparues très tardivement au regard de l'histoire de notre société, très tardivement. Donc ces années 2010, 2011, 2012 et là encore plus dernièrement 2014 et surtout 2016, 2017, 2018 avec les affaires médiatiques qui ont explosé, affaire Weinstein, affaire Baupin, toutes les affaires qui sont sorties, là on a eu réellement une explosion en se disant ok, c'est pas seulement dans le privé, c'est aussi dans l'espace public. Mais à contrario, c'est ce qu'on a vu pour beaucoup finalement qui ont eu l'impression de se faire pointer du doigt en quelque sorte et qui ont eu le besoin ou la nécessité de dire « non mais nous on n'est pas comme ça ». Alors qu'en fait on parle d'une question générale, quelque chose de global. Et le résultat ça a été qu'il y a eu une volonté de dire « non c'est pas vrai, non ça n'existe pas, nous ne sommes pas comme ça, il y a une exagération de la situation ». Et comme je le disais, on venait à dire « oui mais la société devient trop puritaine, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire ». Quand je vois des tribunes qui sont diffusées sur Le Monde par des personnalités qui viennent dire « non mais c'est normal d'importuner, c'est normal de mettre une main sur la cuisse, de voler un baiser, c'est la tradition française, la séduction française, je ne comprends pas ». Sauf que c'est diffusé largement dans un journal et du coup il y a cette avancée, mais la trop médiatisation et le fait que à l'heure d'aujourd'hui par les réseaux sociaux ou des chaînes qui se tournent en boucle sur des sujets fait que finalement il y a un rabattage qui vient conduire à une sorte de ras-le-bol sur la question ou une contestation qui devient, on va dire, un petit peu néfaste. Donc finalement on a l'impression d'avancer mais de reculer en même temps et une scission en quelque sorte sur la question. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller, on va dire, au plus proche, que ce soit des citoyens dans des journées où on organise des événements ou auprès des jeunes pour essayer de recentrer un peu la question, d'élargir les vues, les visions pour permettre justement de faire réfléchir là-dessus.